Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Édouard III et Philippe VI, deux rois pour une couronne. Ah, le titre sonne bien avec deux personnages clairement identifiés, le roi d'Angleterre, le roi de France, avec une intrigue déjà présente dans le titre, une vive rivalité pour une couronne. Mais en réalité, cette histoire compte beaucoup de personnages, trop même, n'importe quel scénariste vous le dirait. Il y en a trop, parce qu'en plus d'Édouard III et Philippe VI, il faut rajouter Philippe le Bel, ses trois fils, Louis X, le Hutin, Philippe V, Charles IV et sa fille, Isabelle de France. Alors, faudrait mettre aussi Henri II d'Angleterre. Et puis encore, pour évoquer cela, ce n'est que le début de l'intrigue qui se prolonge avec encore d'autres personnages sur un temps long, long, tellement long, si long, au moins 100 ans. Ah, la guerre féodale, c'était tout autre chose. Pour la France, le Moyen-Âge qui finit, c'est la guerre de 100 ans. Et ce nom même de guerre de 100 ans, qui est trompeur parce que, en fait, le conflit entre les Valois et les rois d'Angleterre s'est étalé sur beaucoup plus d'un siècle, ce nom même évoque tout de suite le caractère permanent des combats. Une guerre qui n'en finit plus. D'ailleurs, dans l'Europe entière, le XIVe, la première moitié du XVe siècle, c'est l'époque des grandes oppositions militaires, c'est le temps des condottières, des bandes armées courant les campagnes, des villes assiégées, c'est le temps des pillages. Georges Duby, en 1959, dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident, qui évoquait, ce mot guerre de 100 ans, cette expression qui, évidemment, et postérieure. Bonjour Jean-Marie Meuglin. Bonjour Xavier Mauduit. Par définition, c'est postérieur, vu qu'au moment où ça commence, on ne sait pas que ça va durer 100 ans. Mais déjà, à quel moment ça commence? Oui, absolument. Le mot « guerre de 100 ans », on le voit se définir dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et il apparaît véritablement dans les années 1820. C'est là que les manuels commencent à parler de la guerre de 100 ans. Auparavant, on avait parlé de la guerre des Anglais. Mais dès l'époque, on peut dire que les contemporains ont progressivement pris conscience que les rois de France et d'Angleterre, les Français et les Anglais, étaient lancés dans une guerre de longue durée. On peut dire que c'est à la fin du XIVe siècle, en particulier après le renversement de Richard II, qui avait voulu conclure la paix, ce qu'on appelle la paix finale, avec le roi de France. Richard II est assassiné, renversé, assassiné, et à ce moment-là, les Français se disent « les Anglais veulent la guerre », et on voit apparaître le thème « les Anglais veulent conquérir la France », ce qui n'était pas du tout le cas. C'était le titre de roi de France que le roi d'Angleterre réclamait. Mais on voit apparaître ce thème des Anglais qui veulent conquérir la France. C'est à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Donc, la guerre de 100 ans, ça ne viendra évidemment que beaucoup plus tard, mais la réalité existe dès l'époque. Avec nous aujourd'hui, également dans le cours de l'histoire, Christopher Fletcher, bonjour. Bonjour. Alors, cette guerre de 100 ans, avec un accent british, oui, là aussi, comment d'ailleurs dit-on dans l'historiographie britannique? En fait, c'est vrai qu'on dit quand même le Hundred Years' War, mais on dit toujours, comme Georges Duby, que voilà, ça veut rien dire. Et même K.B. McFarlane, historien très influent, dit c'est la guerre qu'on a décidé de mal appeler la guerre de 100 ans. Oui, voilà, la guerre mal appelée. Mais il y a autre chose à préciser, Jean-Marie Meuglin. Vous avez dit ils veulent conquérir la France. Déjà, même la France, faudrait revoir ce que c'est. Oui, oui, oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, bon, on parle de la guerre de 100 ans, mais si on regarde les choses de près, on constate qu'en fait, cette guerre de 100 ans a surtout été une recherche de la paix. Parce que il y a une réclamation d'un titre, le titre de roi de France. Édouard III, à la fin des années 1330, dit « c'est moi qui suis le roi de France légitime ». Et donc, il devient une sorte de plaideur, il réclame son droit, il le réclame par toutes les voies qu'un plaideur peut invoquer. La voie de justice, mais entre deux rois, c'est difficile. La voie de conciliation, par les tractations, chacun exposera son droit, et puis on conviendra que le droit du roi d'Angleterre est le meilleur et que la couronne lui revient. Mais si cette voie de conciliation qui est la meilleure n'est pas possible, alors il faut choisir, mais à regret, la voie de guerre. Et donc, mais dès que l'on pourra, on reviendra à la voie de paix, c'est-à-dire la voie de conciliation. La guerre de 100 ans est surtout la recherche d'une paix impossible. Mais c'est intéressant comme analyse. Oui. Donc voilà, et on peut dire aussi que l'expression de la guerre de 100 ans a un sens surtout du point de vue français. Parce qu'en fait, pour l'Angleterre, les rois d'Angleterre, ils sont bien conscients que depuis la conquête normande, donc depuis 1066, le roi d'Angleterre a toujours été un des plus grands princes du royaume de France. Et donc, du point de vue français, c'est pas quelque chose qui commence en 1337 ou en 1340, c'est quelque chose qui revient au 12e ou 13e siècle avec le besoin de défendre les terres en France qui sont aussi importantes que le roi d'Angleterre, que ces terres en Angleterre. Oui, je retiens ce que vous avez dit également, Jean-Marie Meuglin. Il ne veut pas conquérir cet Édouard III, la France. Il veut conquérir le trône de France. Il veut la couronne parce que, et en écho à ce que vient de dire Christopher Fletcher, les Anglais sont en France. Alors, on a évoqué 1066, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, le roi d'Angleterre et duc de Normandie, mais pas seulement, il y a des terres immenses. Absolument, oui, parce que il est d'abord duc de Normandie, mais au XIIe siècle, c'est une nouvelle dynastie qui vient sur le trône d'Angleterre, qui était la dynastie des comtes d'Anjou, avec Henri II Plantagenet, et puis l'histoire est célèbre, Henri II Plantagenet épouse Aliénor d'Aquitaine, héritière du duché d'Aquitaine, qui avait elle-même, dont le mariage, c'est pas un divorce, c'est un mariage qui est considéré comme non valide, et donc les deux époux, le roi de France Louis VII et Aliénor, sont séparés, et immédiatement Aliénor épouse Henri II et lui apporte l'Aquitaine, donc un immense territoire, c'est-à-dire que les Plantagenets, à partir de la seconde moitié, dans la seconde moitié du XIIe siècle, étaient maîtres de tout l'ouest de la France, oui. Normandie, Anjou, Poitou, Aquitaine, un immense territoire. Et quand on regarde la carte, c'est d'ailleurs très impressionnant. Tout à fait. Et que aussi, les rois d'Angleterre, ils restent toujours attachés à ces terres parce que c'est au début du XIIIe siècle que le roi d'Angleterre, le roi Jean, perd la Normandie, le Touraine, l'Anjou et tout ça, mais il garde toujours l'Aquitaine, la Guyenne, un certain temps le Poitou aussi, et qui reste très, très attaché. Donc, et ça, c'est quelque chose. Le roi d'Angleterre, ils ont une longue mémoire. Ils sont conscients, comme toute la noblesse anglaise, qui sont noblesse qui parle français, qui vient de la France. Et ces terres sont presque aussi importantes pour le roi d'Angleterre que le Pays de Galles ou l'Irlande ou l'Écosse. Ce que, des fois, les historiens britanniques ont du mal à comprendre. Eh oui, c'est difficile à comprendre d'ailleurs, mais c'est bien de le rappeler. Christopher Fletcher a tout à fait raison. Les rois d'Angleterre ont parlé français jusqu'au XVe siècle. À la cour du roi d'Angleterre, ouais, on parle français et on se sent d'abord un prince français parce que la chevalerie est française, parce que la courtoisie est française. Seulement, il y a un problème, c'est que ces terres françaises, le roi d'Angleterre n'en est pas souverain. Il est vassal du roi de France. Et ça, c'est l'énorme problème qu'il a du XIIIe au XIVe siècle. Ah, comment on met en place une situation aussi complexe où nous avons un personnage qui est à la fois roi d'Angleterre, oui, donc c'est son pote, le roi de France, mais dans le même temps, en tant que duc d'Aquitaine, il est vassal du roi de France. Ouais, mais sa vassalité n'est pas très claire non plus. On est dans une période où l'avancement juridique met en place des situations de plus en plus contrôlées. Par exemple, on peut dire que j'ai dit que le roi d'Angleterre il loot pour reprendre la terre, même en Normandie, en Poitou, mais en 1259, avec le traité de Paris avec Louis IX, on accepte de perdre les terres de Normandie, d'Anjou, de Touraine, pour avoir un Aquitaine un tout petit peu plus grand, avec des parties de la Genève, par exemple, qui n'étaient pas précédemment dans cette situation. Mais par contre, en ce faisant, ils acceptent d'être les vassaux du roi de France, et dans une situation de paix. Et donc, un peu bizarrement, la paix mène à la guerre. Pourquoi? Parce que, puisque le roi d'Angleterre, qui est duc d'Aquitaine, est en paix avec le roi de France, ses vassaux, lui, dans le sud-ouest de la France, peut faire appel contre ses officiers vers le Parlement de Paris. Et donc, à partir de 1259, ça crée des problèmes permanents où la noblesse du sud-ouest de la France aussi, qui est un peu agitée des fois, utilise le Parlement de Paris contre les officiers de duc d'Aquitaine localement. Et ça pose des problèmes fondamentaux. Situation bouillonnante. Oui, parce que le traité de paix de 1258-1259 que Christopher Fletcher a évoqué, qui est effectivement très important, est aussi le moment où le Parlement en France se définit comme cour souveraine. C'est-à-dire que de partout en France, on doit pouvoir appeler en dernier recours à la cour du roi, la cour de justice du roi, qui est le Parlement. Et à partir de ce moment-là, le roi d'Angleterre, très concrètement, sent qu'il n'est plus maître chez lui, puisque ses sujets peuvent faire appel, en passant par-dessus son épaule, jusqu'à la cour du roi de France. Et ça dépend aussi, parce que si ça va bien, ça va bien. Il y a des périodes où le roi de France, soit si c'est Louis IX, si c'est Philippe III aussi, ça va pas mal, au début de règne de Philippe IV, ils sont prêts à négocier avec les rois d'Angleterre, avec les officiers en Aquitaine, ils sont ouverts. Mais on argumente souvent que c'est même plus les officiers, les hommes de loi, du roi de France, qui poussent à la confrontation, qui créent des problèmes qui n'existaient pas avant. Absolument. Et puis, il y a une crispation au moment du règne de Philippe le Bel. C'est véritablement à ce moment-là que le pouvoir français se durcit et que les choses se gâtent dans toute le... Et ça, c'est ce qui va mener à la revendication de la couronne de France, qui est une inflexion dans cette longue histoire. Oui, parce que ce sont dans les années 1330 qu'il y a cette revendication de la part du roi d'Angleterre, Édouard III, de la couronne de France. Mais auparavant, est-ce que cela était imaginable d'ailleurs? Qu'on comprenne bien, parce que c'est contextuel, c'est un moment. Un siècle plus tôt, est-ce que le roi d'Angleterre aurait pu imaginer revendiquer la couronne de France? Pourquoi pas? Parce que toute stratégie est bonne dans ce genre de circonstances, et jusque les circonstances se présentent. Donc par exemple, à la fin du XIIIe, dans les années 1290, on avait exactement la situation que Jean-Marie Meuglin vient de décrire, où le roi de France commence à avoir les guerres avec en Flandre, dans le sud-ouest de la France, contre le roi du duc d'Aquitaine et le roi d'Angleterre, pour exactement la même raison. Il essaie de plier ses droits. C'est juste que, voilà, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité pour le duc d'Aquitaine que de dire « Oh, en fait, c'est vrai, j'ai découvert que j'ai le droit d'être le roi de France. » Toute stratégie est bonne dans ce genre de circonstances. On le comprend. Alors, absolument, toute stratégie est bonne. Il faut évidemment que l'occasion se présente. La légitimité est dynastique et il y a cette crise dans le royaume de France qui éclate en 1328 lorsque Charles IV le Bel meurt. Philippe IV. Il y a une fille, mais enfin, un fils mais qui mourra très vite. Enfin, oui. Donc, Charles IV, Philippe IV, donc Philippe le Bel, a trois enfants, c'est bien ça, parce que moi je veux pas me perdre. Et donc Charles IV, c'est le dernier des enfants, qui n'a pas de garçon. Le premier, c'est Louis X, qui lui a une fille. Et c'est le moment, la fille aurait normalement dû hériter en 1316. Voilà. Mais la fille est toute petite, elle ne peut pas défendre ses droits, et elle a un oncle puissant, Philippe V le Long. Philippe V écarte la fille, et à ce moment-là, les filles ne peuvent plus succéder à la couronne de France. Mais est-ce que le fils d'une fille ne peut pas succéder? C'est ce que les légistes d'Édouard III déclareront. On est d'accord, ma mère ne pouvait pas devenir reine de France, mais moi qui suis un fils, j'ai le droit. Ah oui, des affaires généalogiques, tout le monde s'y perd, même Édouard III, dans une relecture de l'histoire de France par les dramaturges étrangers, c'est en 1962. Continue de nous dire notre généalogie. Qui succéda à Philippe le Bel? Ses trois fils, sire, qui montèrent l'un après l'autre sur le trône de leur père, mais qui sont morts sans héritier. Mais ma mère n'était-elle pas leur sœur? Si fait, monseigneur. Et comme Madame Isabelle, qui était la fille unique de Philippe, devint l'épouse de votre père, vous qui êtes issue du jardin parfumé de son giron, vous, gracieuse majesté, en qui fleurissent tous les espoirs de l'Europe, vous êtes donc l'héritier de la France. Mais voyez de quoi sont capables des esprits rebelles. Lorsqu'ainsi fut éteinte la descendance directe de Philippe, les Français, refusant de tenir compte des droits légitimes de votre mère, ont proclamé roi Jean de la maison de Valois. La raison qu'ils invoquent fallacieusement, c'est que le royaume de France, où sont très nombreux les princes de haut lignage, ne peut se transmettre par les femmes. Et voilà, le jardin parfumé de son giron. Bon, nous sommes vraiment dans une histoire de généalogie. Alors, Philippe le Bel a trois enfants. Le premier, Louis X, n'a que des filles. Donc, la couronne arrive à son frère, Philippe V. Pareil, que des filles, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, c'est difficile. Alors, Charles IV, et pareil, il y a un problème. C'est à quel moment que le roi d'Angleterre s'intéresse à la généalogie? Pour dire, bon, là maintenant, c'est à moi. Charles IV a un fils, mais posthume, mais qui meurt tout de suite. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'héritier. La légitimité, elle vient du sang. Donc, tout le monde s'intéresse à la généalogie. C'est fondamental. Et oui, c'est fondamental dans cette histoire-là. Et puis, ça correspond aussi à une attente. Vous l'avez bien dit, tous les prétextes sont bons. Ouais. Et là, ça tombe bien. Oui, tout à fait. Donc, en fait... donc, à la mort du dernier fils de Philippe IV, donc, moi, je me perds aussi, Charles IV, en 1328, il est vrai que le roi d'Angleterre, qui est Édouard III, envoie des représentants pour dire « Oui, mais quand même, j'ai un droit qui passe par ma mère, et normalement, dans le droit romain, ça devait être moi, mais c'est pas très sérieux. » Et pourquoi c'est pas très sérieux? Parce que Édouard III aussi vient d'être mis sur le trône par un coup d'État mené par sa mère et son amant, Roger Mortimer, donc encore un retournement, mais voilà. Et donc, c'est pas vraiment lui qui a le pouvoir pour ce moment. Donc, voilà. Et donc, il réclame là, mais il sait que c'est juste pour se manifester. Et c'est qu'en 1337, donc quand il va bientôt avoir 25 ans, et ses conseillers lui disent, en fait, dans le droit romain, si tu as les droits, il faut les faire valoir avant l'âge de 25 ans, sinon vous risquez de les perdre. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que ses conseillers disent, ouais, c'est peut-être le moment de publier vos droits à être roi de France. Et ça tombe bien, parce que c'est à ce moment-là aussi que les relations entre le roi d'Angleterre et le roi de France se gâtent sérieusement. Oui, absolument, comme l'a dit Christopher Fletcher, il semble bien que le roi d'Angleterre, en 1328, à la mort de Charles IV le Bel, ait envoyé des ambassadeurs pour réclamer la couronne de France, mais sans insister véritablement. Et en 1329, ce sera le grand argument du roi de France, en 1329, Édouard III a prêté hommage au roi de France pour le duché de Guyenne. Un hommage évidemment conditionnel, parce que les rois d'Angleterre disaient qu'il fallait remplir les conditions du traité de Paris de 1259, qu'il leur manquait des territoires qui ne leur avaient pas été rendus, mais il a prêté hommage tout de même, et en 1331, il va de nouveau prêter hommage, parce que le roi de France dit « mais cet hommage, c'est seulement un hommage simple, il faut que ce soit un hommage liege », et en 1331, donc, Édouard III s'incline, il vient en France, et il prête un hommage liege. Et donc, les rois de France, ce sera leur grand argument dans la deuxième moitié du XIVe siècle, la loi salique ne vient que beaucoup plus tard, diront mais comment les rois d'Angleterre nous ont parfaitement reconnus comme rois de France, puisqu'ils ont prêté hommage. En 1337, Édouard III dira « Mais oui, j'étais trop jeune à ce moment-là, on m'a trompé, mais maintenant, comme l'a dit Christopher Fletcher, mes légistes m'ont informé sur mes véritables droits, et donc je réclame la couronne qui m'appartient. » Ouais, c'est clair. Christopher Fletcher, moi je retiens que vous avez parlé de droit romain, parce que moi j'avais prévenu les auditeurs, les auditrices, il y a plein de personnages. On va pas donner le nom des juristes, parce qu'ils sont là aussi, ils sont importants ces juristes. Oui, tout à fait. Donc, du côté anglais, c'est le droit romain qui est brandi, c'est-à-dire que le fils né d'une fille de roi pourrait récupérer la couronne. Alors les Français, eux, s'appuient sur quel droit pour dire « Non, c'est passé par une femme, ce n'est pas possible. » Coutumier, le droit coutumier. Donc au début, c'est... Voilà, déjà, toute une histoire, parce que comme Jean-Marie Meuglin vient de dire, le roi salique, ce n'est pas important à ce moment-là. Donc on ne sait pas ce qui a été déclaré quand Philippe V a pris le trône, mais on sait déjà qu'il y avait une assemblée. Donc c'est plus le consentement des États ou du peuple largement de France qui déclare ce que c'est que le coutume de la France. Et c'est les mêmes arguments qui sont toujours mobilisés au milieu du XIVe siècle aussi. C'est le coutume de la France que on ne passe pas. C'est ça. Mais le droit romain, c'est autre chose. Pardon, je vais juste le dire. Pour les Anglais aussi, c'est un pays de droit coutumier. Mais on invoque le droit romain, le droit civil, on dit dans des contextes diplomatiques, entre pays aussi. Et aussi, un tout petit peu plus, quand on est en train de parler d'un office public. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est en devenir au XIVe siècle. Ce n'est pas aussi bien établi que le coutume. Puis le droit, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est toujours la même chose. Oui, le roi d'Angleterre invoque le droit romain. On a conservé toute l'argumentation du roi d'Angleterre. Il y a un très long mémoire qui est envoyé au pape, à la cour d'Avignon, pour défendre les droits du roi d'Angleterre. Et c'est farci de ce qu'on appelle des allégations, c'est-à-dire des références au droit romain. Et finalement, la partie française est assez ennuyée dans cette affaire, parce qu'elle n'a pas pas trop d'arguments, et en plus, elle ne veut surtout pas que l'on puisse admettre que la légitimité des Valois au trône de France pourrait être discutée. Oui. Le roi de France ne veut pas que ce devienne une sorte d'objet de tractation, de négociation. Donc il dit, non, le roi d'Angleterre a prêté hommage, il est mon vassal, on ne discute absolument pas du titre de roi de France. Ouais. Si on commençait à discuter, on aurait déjà perdu à moitié. Oui, c'est ça. Oui, et puis ils savent exactement tous ce qu'ils veulent dans cette histoire-là. Après, il faut trouver le moyen d'y arriver. Et on peut s'arrêter quelques instants sur cette loi salique. Vous nous avez bien dit l'un et l'autre que la loi salique, à ce moment-là, au moment où Édouard III, dans les années 1330, revendique le trône de France, parce que sa mère est la fille du roi Philippe le Bel, tout ça, non. La loi salique n'est pas encore mise en... brandie comme argument. Non. La loi salique, elle intervient, on a une première mention dans les années 1350, due à un moine de Saint-Denis, Richard Lescot, dans une expertise qu'il donne, mais ça n'est pas lié au roi d'Angleterre, c'est en fait dans un document relatif au roi de Navarre. Et c'est très faiblement invoqué. Il faut attendre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle pour que l'on ressorte cette loi salique. Alors, le fameux passage de la loi salique, de la terre, la terra salica, doit revenir aux hommes. Qu'est-ce qu'était la terra salica? Ça n'était absolument pas, évidemment, la couronne de France qui n'existait pas à l'époque de la loi salique. Mais à ce moment-là, on va dire, ça, c'est la couronne de France. Mais encore une fois, c'est bien plus tardif. Voilà, ça ne marche pas non plus, pardon. Ça ne marche pas non plus parce que ça montre que la loi salique dit qu'une femme ne peut pas hériter de la couronne de la France. Ils ne disent pas que le fils d'une femme peut hériter par sa mère. Et donc, ça ne résout pas du tout le problème. Et on voit déjà l'embarras des juristes françaises au début du XVe siècle qui essaient de ne pas trop en parler. Donc, c'est qu'à la fin du XVe, donc à partir après la guerre de Cent Ans, qu'on commence à revendiquer. C'est la loi salique qui veut dire que Édouard III n'avait aucun droit à la trône de France. Et ce que j'entends aussi, en vous écoutant l'un et l'autre, c'est toutes ces relations, alors entre les juristes, parce que ces gens-là échangent sans arrêt, mais entre les personnages eux-mêmes, entre les héros de notre histoire, ils se rencontrent physiquement. En tant que duc d'Aquitaine, il peut rencontrer le roi de France. C'est aussi quelque chose à mettre en avant, parce que ce sont des gens qui se connaissent, vous nous l'avez dit, Jean-Marie Meuglin, ils parlent la même langue, c'est le français, ils sont de la même culture, c'est le même monde. Ils sont de proches parents, de très proches parents. Absolument. Il n'y a pas, il ne faut pas s'imaginer de sorte de haine nationale entre les rois de France et les rois d'Angleterre, entre les grands aristocrates du royaume de France et du royaume d'Angleterre. On est dans le même milieu. Ce sont des conflits pour des droits. C'est ça qui est en cause. Oui, parce que l'idée même de nation est une idée qui est anachronique. C'est-à-dire que il y a la conscience qu'il y a des royaumes, des territoires. C'est pas l'État-nation qui va se développer beaucoup plus tard. C'est pas l'État-nation, effectivement, du 19e siècle. Mais il y a quand même une construction de la nation comme les sujets d'un roi, les habitants d'un royaume qui appartient à une lignée héréditaire. Ça, c'est quand même un préconcept de nation qui apparaît à cette époque. Et ce qui est impressionnant quand même, c'est que malgré le fait qu'il s'agit d'un conflit autour des droits, qu'il s'agit de n'importe quel noble dans son petit pays, dans le sud-ouest de la France ou dans le Yorkshire ou que ce soit, en même temps, le roi d'Angleterre réussit à convaincre des assemblées de chevaliers du pays, de bourgeois, de lui donner de l'argent à une énorme échelle pour payer ses guerres en France. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours étonnant et quelque chose qui est nouveau. Et qui est aussi quelque chose qui est presque, assez ironiquement, la conséquence de la perte des terres du roi d'Angleterre en France. Parce que, en fait, tout noble qui respecte tout droit, on raisonne sur une logique de terre. Plus on a de terre, plus riche on va être. Et en fait, le roi d'Angleterre, il perd ses terres au début du XIIIe siècle, la Normandie, l'Anjou, tout ça. Mais en même temps, il doit utiliser d'autres moyens pour avoir l'argent pour faire la guerre en France. Et là, petit à petit, ce que c'est développe, c'est le Parlement. Le Parlement anglais, c'est pas la même chose que le Parlement français, c'est pas un truc juridique, c'est un lieu, c'est des assemblées qui se forment petit à petit à la fin du XIIIe au début du XIVe siècle, qui en fait, ironiquement, permet au roi d'Angleterre de lever rapidement pour le bien commun du peuple de l'argent pour faire des guerres en France ou ailleurs. C'est pour ça que je voulais avancer cette notion de nation, parce que cette histoire-là pourrait se résumer juste à une histoire généalogique. Le fils de, le fils... Non, c'est beaucoup plus complexe. Ça a une portée beaucoup plus vaste quand Édouard III, roi d'Angleterre, revendique la couronne de France. C'est pas juste personnel, ça l'est, mais pas seulement. Alors disons que c'est dans la propagande, et essentiellement dans la deuxième partie de ça commence un peu sous Charles V, mais surtout dans la deuxième partie de la guerre de Cent Ans, qu'on va donner cette coloration nationale à la guerre en France, en déclarant « les Anglais veulent conquérir la France, ils veulent piller, ils veulent conquérir la France », ce sera le grand thème de la propagande française contre le roi d'Angleterre. C'est un thème de propagande. Et la propagande en temps de guerre, c'est quelque chose d'incontournable. En 1337, Édouard III, roi d'Angleterre, petit-fils du roi de France Philippe le Bel, considère que son lointain cousin Philippe VI, qui se dit roi de France, n'est qu'un usurpateur. Ils sont deux pour une couronne. France Culture. Moi, je vous le dis, on est les rois, plus jamais vu des rois sensationnels. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. On est les rois, Roger Nicolas, alors Jean-Marie Meuglin, Christopher Fletcher. Nous parlons d'Édouard III, roi d'Angleterre, qui revendique la couronne de France. Bien, mais qu'en est-il en France? Parce que là aussi, il y a ce problème de succession après la mort du dernier fils de Philippe le Bel, sans enfant qui peut lui succéder directement. Donc à qui revient la couronne de France à ce moment-là, du côté français? Ben, c'est Philippe VI de Valois qui s'impose. Philippe VI de Valois était le cousin germain du dernier roi. Il était proche de Charles IV le Bel. Il est probable que Charles IV le Bel, s'il n'avait pas de fils, aurait été d'accord avec la succession de Philippe VI de Valois. Et puis le parti Valois est très puissant. Et donc, en 1328, il n'y a pas de problème. Bon, il y a eu des oppositions, bien sûr, mais il s'est assez largement imposé sans trop de difficultés, surtout qu'il remporte immédiatement la bataille de Cassel contre les Flamands. Et ça, c'est la légitimité qui vient de Dieu. Le roi victorieux est un roi légitime. Ce sera aussi, plus tard, le drame du roi de France, c'est qu'il sera écrasé par le roi d'Angleterre. Et donc, cette légitimité qu'il tient des armes, de la victoire donnée par Dieu, elle sera remise en cause. Mais en 1328, Philippe VI est auréolé de cette glorieuse victoire de Cassel, immédiatement après son accession à la couronne. Or, la victoire contre les Flamands, il y avait quand même toujours le souvenir cuisant de la défaite de Courtrai en 1302, où les Flamands avaient écrasé l'armée du roi de France, et donc une victoire contre les Flamands, ça compte. Christopher Fletcher. Oui, tout à fait. Et aussi également, la victoire de Cassel donne à Philippe VI la France, mais aussi il lui donne le comte de Flandre aussi, qui ensuite est toujours de sa partie. Mais il ne lui donne pas forcément les villes de Flandre, qui sont bien conscients qu'ils ont besoin de la laine anglaise pour tisser, pour vivre. Et ensuite, c'est vraiment pour cette raison aussi que c'est une autre raison pour laquelle le fait qu'Édouard III peut revendiquer le couronne de France est utile. Parce que ça permet à ses alliés dans le comté de Flandre, qui est dans le royaume de France, peuvent se dire « Ah oui, mais non, Philippe VI, ce n'est pas le vrai roi de France, donc nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes avec le vrai roi de France, c'est-à-dire Édouard III. » Ah ouais, bah, et d'un seul coup, on comprend mieux la volonté d'un homme, Édouard III, de revendiquer la couronne de France. Absolument, Christopher Fletcher a tout à fait raison, c'est à Gand, en janvier 1340, que le roi d'Angleterre prend le titre officiellement de roi de France. Depuis octobre 1337, il disait « Mais je revendique la couronne de France, la légitimité de Philippe de Valois doit être discutée », mais il n'avait pas pris officiellement le titre de roi de France. C'est à Gand, en janvier 1340, que ses sujets flamands le reconnaissent, puisque la Flandre fait partie du royaume de France, le reconnaissent comme roi de France, et désormais, il se considère, il dit qu'il est le roi de France. Et déjà, c'est la première fois qu'on entend parler en Angleterre. On n'a rien dit en Angleterre, dans les parlements et les grands conseils qui ont financé les campagnes entre 1337 et 1340, on n'a rien dit du titre du roi d'Angleterre à la France. Et ça devient un choc. Donc, après la revendication à Gand, au Parlement, il faut que les officiers du roi d'Angleterre disent « Ah oui, mais il faut qu'on explique. Hein. » En fait, par exemple, le royaume d'Angleterre ne va pas être intégré dans le royaume de France. Et il faut les assurer qu'on ne va pas... Voilà. Ce n'est pas être quelque chose où Édouard III devient le roi de France, qui est aussi ce petit royaume d'Angleterre qui va en faire partie. Et ça, c'est un choc. Et ensuite, c'est toujours négociation entre les intérêts de peuple, du bien commun de l'Angleterre, et de ce roi, Édouard III, qui se veut maintenant roi de France aussi. Et les Anglais peuvent avoir peur, oui. C'est très vrai. Hein. Les Français ont dit « Les Anglais veulent conquérir la France, ils veulent nous assujettir, nous asservir. » Mais en fait, en Angleterre, les Anglais... craignez cette intégration finalement du petit royaume d'Angleterre à l'intérieur du royaume de France. Ça revient encore après le traité de Troyes en 1420, où de nouveau le Parlement entend obtenir des garanties du roi d'Angleterre. Nous n'allons pas devenir français, être intégrés dans un royaume de France. Hein. Il y a cette crainte chez les Anglais. Nous sommes un petit royaume, 3-4 millions d'habitants face aux 15 millions de Français. Nous pourrions bien être absorbés à l'intérieur du royaume de France. Ouais. Avec ici une longue rivalité, mais alors pas rivalité uniquement militaire, hein, rivalité juridique aussi, des oui. échanges. Alors on le sent, hein, ça commençait à tourner en rond, ben, direction 1340 au siège de Tournai, échange de lettres entre Édouard III et Philippe VI. De par Édouard, roi de France et d'Angleterre, seigneur d'Irlande. Sire Philippe de Valois. Par longtemps, nous vous avons poursuivi par messager afin que vous nous rendiez notre droit héritage du royaume de France que vous nous avez longtemps occupé à grand tort. Nous sommes entrés en terre de Flandre en tant que seigneur souverain d'Issel et nous sommes passés par le pays. Nous vous signifions que nous poursuivons avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ notre droit avec la puissance du dit pays et avec nos gens et alliés. Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, à Édouard, roi d'Angleterre. Pour ce que nous avons entendu par vos lettres, que vous êtes porté en notre royaume de France, en portant grand hommage à notre dit royaume et à notre peuple, mu par volonté arbitraire dépourvue de raison, en ne respectant pas ce qu'un homme lige doit garder à son droit seigneur, car vous êtes entré en notre hommage en nous reconnaissant comme roi de France. Notre volonté est donc, quand bon nous semblera, de vous chasser hors de notre royaume. Vilaine ambiance, hein. Philippe VI et Jeanne Delecroix, Édouard III et Anna Holweck dans le cours de l'histoire sur France Culture. Anna qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Ce que nous venons d'entendre, c'est un échange de lettres entre Édouard III et Philippe VI. Traduction en français modernisée par vous, Jean-Marie Meuglin. Ici, mais bien sûr, ça ne peut pas bien se passer. Quand Édouard III, roi d'Angleterre, revendique la couronne de France, il y a beau y avoir des arguments juridiques, ça ne peut conduire qu'à la guerre. Oui, ça c'est certain, le roi de France ne peut pas accepter cela. D'ailleurs, cet échange de lettres est tout à fait significatif, puisque Édouard III s'adresse à Philippe de Valois. Il ne le reconnaît pas comme roi de France, et Philippe VI lui répond, alors nous n'avons pas eu il fallait couper dans l'extrait, mais Philippe VI lui répond d'abord, je ne sais pas à qui vous vous adressez, puisque vous ne vous êtes pas adressé au roi de France. Mais enfin bon, je vais tout de même vous répondre, puisqu'apparemment c'est à moi que vous voulez parler. Il y a ce problème, le roi de France ne peut absolument pas admettre qu'on discute de la légitimité, de sa légitimité de roi de France. Et toute la stratégie du roi d'Angleterre, c'est de le forcer à accepter ce que nous pouvons appeler cette négociation. Mais une négociation, au Moyen-Âge, on ne peut pas négocier, parce que nous avons le concept de négociation, la négociation gagnant-gagnant. Je te donne ceci, je reçois cela, et tout le monde est content. Au Moyen-Âge, ce n'est pas possible, c'est le droit qui doit l'emporter. Donc une négociation, bien sûr, il faut une négociation, mais on ne peut pas le dire officiellement. Et donc toute la stratégie du roi d'Angleterre va être de dire « Je ne veux que la couronne de France, je ne veux que mon droit », mais de laisser entendre que, au nom de la paix, parce que la paix c'est beaucoup mieux que la guerre, et puis il faut que les princes chrétiens s'unissent contre les musulmans, qu'ils partent ensemble à la croisade. Alors au nom de la paix, je serai prêt à un immense sacrifice, renoncer à cette couronne de France, en échange de quoi ? En échange, et on retrouve ce que Christopher Fletcher nous disait tout à l'heure, en échange de ce duché de Guyenne en toute souveraineté. C'est en quelque sorte, hein, si je puis dire, le deal que les ambassadeurs du roi d'Angleterre proposent en le laissant entendre, en ne le disant jamais ouvertement, parce que si on le disait, on ne peut pas dire « je suis prêt à renoncer à mon droit ». Mais c'est tout l'enjeu des années 1340-1360. Christopher Fletcher, vous êtes historien chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'université de Lille. Dans le regard anglais porté sur cette histoire-là, c'est quand même très complexe, parce que il y a la volonté de récupérer un territoire immense en pleine souveraineté qui correspond au duché d'Aquitaine. Formidable, mais ça demande énormément de mobilisation. Oui. Jean-Marie Meuglin l'a rappelé, c'est la période où l'idée de croisade est encore très présente. Tout le monde suit cette volonté d'Édouard III, où on lui dit « reste dans ton île » et c'est déjà très bien. Il suit beaucoup plus qu'on aurait pensé. C'est ça qui est toujours étonnant. Comme j'ai dit, ce qui est en train de développer le Parlement d'Angleterre sont étonnamment prêts à financer des projets du roi d'Angleterre jusqu'à un certain niveau. Donc quand même, on est toujours 1337-1340, et le peuple d'Angleterre mobilise beaucoup d'argent pour financer les alliés de Édouard III, etc. Mais quand ça commence à aller mal, quand ils voient qu'il n'y a rien qui revient pour leur argent, ça crée une crise politique à chaque fois. Donc en 1340, c'est grave, mais en fait, si Édouard III serait mort en 1341, voilà, il aurait juste été quelqu'un qui a revendiqué le roi de France, il n'a rien fait, il a pensé plein d'argent et rien ne s'est passé. Mais c'est juste parce que maintenant qu'il se présente comme un roi concurrent pour la France, toute la noblesse et d'autres, on a déjà vu les villes de Flandre, mais aussi bientôt on va voir la noblesse de Bretagne, peut s'aligner avec lui contre le roi Valois. Et donc, c'est surtout, si tout est arrêté en 1340, voilà, c'est pas grave, on va continuer à monter. Mais ensuite, ce qui se passe, il y a une crise de succession dans le duché de Bretagne, et ça rouvre le conflit, parce que maintenant, on peut s'allier avec Édouard III, et c'est plus un truc juridique, ça devient de plus en plus une situation militaire. Ah oui, on voit cet effet domino, j'ai envie de dire, alors là, qui prend de l'ampleur. Il ne faut pas oublier les profits de la guerre. La grande réussite d'Édouard III, le règne de son père avait été une catastrophe, le règne d'Édouard II avait été une catastrophe politique colossale. C'était dû au conflit à l'intérieur de l'aristocratie. Il y a un nombre de magnats anglais qui sont morts de morts violentes durant le règne, exécutés, morts à la guerre, colossale. Édouard III réussit à unir derrière lui l'aristocratie anglaise. Et il l'unit finalement grâce au profit de la guerre, de 1340 à 1360. Bon, il y a des aléas, bien sûr, mais la guerre de France est un succès, et donc c'est les rançons, c'est le pillage, ce sont tout cet argent qui revient en Angleterre grâce à la conquête. Le problème, c'est que après 1360, ce ne sera plus le cas, et donc là, la guerre deviendra beaucoup moins populaire en Angleterre. Oui, tout à fait. Et donc, je pense que le Parlement d'Angleterre a presque une logique de banquier. Donc, le Parlement d'Angleterre, les communes, c'est pas les gens du commun. Ce sont des chevaliers des comtés, donc des gens des chevaliers, souvent même des militaires aussi, un peu comme ça, activement des chevaliers, et aussi des bourgeois. Et en fait, ils sont prêts à investir si ça va donner quelque chose en retour. Et donc, ils sont, oui, OK, donc on va vous donner 30 000 livres cette année pour aller faire la guerre en France, si vous gagnez. Et si vous gagnez, ça continue, c'est très bien, et même la guerre commence à se payer pour lui-même. Mais c'est quand le banquier dit, OK, vous avez une petite entreprise que vous voulez lancer, on vous donne 30 000 euros pour lancer. Si ça marche bien, c'est très bien, sinon, on va finir. Ah oui, d'accord. On a ici, c'est vrai, les profits de la guerre, faut bien le rappeler, hein, le pillage, etc. Et puis, l'intérêt de recevoir des sous, puis la gloire, il faut le dire, d'autant qu'il y a quelques victoires anglaises quand même. Direction Crécy. Au lieu de l'histoire de France, Crécy en Ponthieu, champ de bataille hier, cité moderne et accueillante aujourd'hui, Crécy a su conserver les précieux vestiges d'un passé encore présent dans la mémoire de tous les écoliers. Le 26 août 1346, au cours de la célèbre bataille dont le nom s'inscrit parmi les plus grands et les plus douloureux dans les annales militaires de notre pays, Crécy entrait dans l'histoire. Cette mêlée s'est pas très bien terminée pour la France. Le soleil dans les yeux, les arcs détendus des Génois, les chevaliers voulant monter à l'attaque tout de suite, ont piétiné les Génois et les Anglais qui les attendaient bien gentiment en haut les ont criblés de flèches. Ce fut une bataille particulièrement meurtrière. Oui, on parle de 30 000 morts. C'est un chiffre qui paraît important. Il y en a peut-être eu 5 000 ou 10 000, mais enfin, on parle de 30 000. En 1346, la bataille de Crécy dans Picardie Actualité, carte postale de Crécy en Ponthieu. Que se passe-t-il à Crécy? C'est parmi ces grandes batailles que nous connaissons par le nom bien souvent. Quand on connaît la date, on est un peu content et fier. Mais alors, de là à savoir ce que ça signifie comme portée, c'est une victoire anglaise importante? Oui, c'est une victoire anglaise importante parce que la stratégie d'Édouard III, c'est cette stratégie de la chevauchée, c'est la stratégie du défi et de la provocation. Je revendique mon titre de roi de France, je souhaite qu'on me le rende par des moyens pacifiques, mais comme ce n'est pas le cas, je suis obligé de recourir à la voie de guerre. Ça veut dire que je vais piller le pays de mon adversaire, et comme je suis sûr de mon droit, je suis prêt à risquer le jugement de Dieu qu'est la bataille. La bataille, c'est l'affrontement de deux rois, c'est le jugement de Dieu. Dieu donnera la victoire à celui qui a le droit pour lui. Et donc, Édouard III mène cette chevauchée. Il débarque à Saint-Vallaougue en Normandie. Il remonte la Seine en direction de Paris. Il nargue, il passe à proximité de Paris et il nargue le roi de France. Et puis, ensuite, il remonte vers le nord. Et là, Philippe de Valois se lance à sa poursuite. Et Édouard III se retourne, l'attend et risque le jugement de Dieu et il le remporte. Philippe VI prend la fuite, il n'est pas tué dans la bataille, mais il prend la fuite. C'est quand même un coup terrible pour son prestige et puis aussi pour sa légitimité. Assurément, Édouard III fut un roi magnifique. Ce sont les premiers mots de votre livre, Jean-Marie Meuglin, Édouard III, que vous publiez aux Presses universitaires de France avec ce regard en particulier sur la jarretière. Jean-Marie Meuglin, vous êtes professeur à Sorbonne Université, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Le personnage d'Édouard III est fascinant, magnifique, écrivez-vous, et juste après, vous rappelez qu'il se veut un nouvel Arthur. C'est le nouveau roi Arthur. Oui, Édouard III s'est voulu le chevalier par excellence. C'est le roi chevalier. C'est toujours son grand-père, Édouard Ier, avait déjà voulu être un nouveau roi Arthur. Édouard II, on le rappelait tout à l'heure, son règne avait été une catastrophe. Et donc, après cette parenthèse d'Édouard II, Édouard III veut rénover les valeurs de la chevalerie. C'est au nom de la chevalerie, cette guerre qu'il mène contre le roi de France. C'est une sorte d'aventure arthurienne, à la recherche de son droit, à la recherche de la justice et du Graal qu'est la couronne de France. Le paradoxe est saisissant entre cette aventure arthurienne. Est-ce que vous, Christopher Fletcher, vous nous expliquez sur le côté très concret des parlements qui se mettent en place, de l'argent, et on compte et on regarde les victoires parce que ça rapporte aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que, en fait, ce qui est important avec Crécy aussi, le siège de Calais aussi, c'est le moment où la stratégie d'Édouard III commence à marcher. Parce que déjà, juste l'année précédente, Henri de Grosmont, le comte de Derby, fait une campagne dans le sud-ouest de la France. Les armées anglaises sont montées dans le Poitou, dans le Saintonge, pour la première fois depuis un siècle. Donc c'était ça l'idée. À la base, c'était pour pouvoir distraire le roi de France sur le nord-est, dans les Flandres, dans ce coin-là, pour vraiment le menacer dans l'île de France, qui permet à sauvegarder le sud-ouest de la France et même de revendiquer l'Aquitaine comme c'était au début du XIIIe siècle. Et c'est une stratégie qui n'avait jamais marché auparavant, mais ça commence à marcher et ça continue de marcher. Et là, ça va un siècle, parce que là, à la fois, c'est un truc de prestige, parce que c'est un roi guerrier qui gagne, mais aussi c'est un projet politique qui marche. Oui, projet politique. Oui, on le disait au début de l'émission, c'est une guerre, mais c'est d'abord des conférences de paix, et on le voit bien comment Christopher Fletcher le dit, cette stratégie d'Édouard III marche de mieux en mieux depuis la fin des années 1330 jusqu'en 1360. Il y a déjà des 1338 à Arras, il y a des conférences de paix qui sont un échec total. Il y en a de nouveau en 1344 à Avignon, où on a là des documents qui permettent d'éclairer extrêmement bien ces conférences de paix sous l'égide du pape, et où l'on voit très bien la stratégie des ambassadeurs anglais se dessiner. Hein, cette idée, nous serions prêts, sans le dire, à abandonner la couronne de France en échange d'un duché de Guyenne. Bon, c'est refusé avec mépris par les ambassadeurs du roi de France, mais dès 1354, il y a de nouveau des conférences de paix. Entre les deux, il y a ces victoires anglaises qui donc mettent sous pression le roi de France, et en 1354, dans les conférences de Guyenne, le roi de France, les ambassadeurs du roi de France, sous l'égide du cardinal Guy de Boulogne, acceptent pour la première fois le deal que proposaient les ambassadeurs anglais. Nous allons céder le Grande Aquitaine en toute souveraineté au roi d'Angleterre, et en échange, il abandonnera la revendication de la couronne de France. Le problème, c'est que dès l'année suivante, en 1355, l'accord était resté secret, il devait être proclamé officiellement par le pape à la cour d'Avignon en 1355, et là, les ambassadeurs français font marche arrière, ils disent non, pas question, nous n'acceptons pas, et donc relance de la guerre. C'est cette fois, 10 ans après Crécy, la victoire de Poitiers, qui est encore plus terrible pour le roi de France, puisque cette fois, non seulement il est battu, mais il est fait prisonnier par le prince noir, le fils d'Édouard III, et 4 ans après, ce sera, après de longues négociations, il y a eu plusieurs ébauches, le traité de Brétigny-Calais, où, enfin, Édouard III est parvenu à ce qu'il voulait, l'Aquitaine, la grande Aquitaine, en toute souveraineté, et il s'engage à renoncer au titre de roi de France. Mais c'est là que cette contradiction que vous évoquiez, qui pour nous est évidente, mais qui pour les gens de l'époque ne l'était pas, entre ces calculs politiques, hein, Christopher Fletcher parle devant le Parlement, et puis l'aspect de la revendication du droit, de la chevalerie, c'est là que la contradiction va finalement éclater. Édouard III ne voudra pas renoncer au titre de roi de France. Dans les années, on le voit très bien, au début des années 1360, Jean le Bon lui dit, maintenant, alors, le traité de Brétigny-Calais disait, on commence par échanger les terres, et puis ensuite, dans un délai d'un an, on ira à Bruges, et on échangera la double renonciation. Le roi d'Angleterre renoncera à la couronne de France et moi je renoncerai à la souveraineté sur le duché d'Aquitaine. Jean le Bon dit au roi d'Angleterre, maintenant on y va, on conclut, on fait ces doubles renonciations. Et Édouard III lui dit, non, ce n'est pas encore le moment, c'est trop tôt. En fait, pour son honneur, renoncer officiellement au titre de roi de France, c'était trop difficile. Et en 1364, quand Charles V devient roi de France, lui n'avait plus aucune intention de renoncer à la souveraineté sur l'Aquitaine. Il n'attendait qu'un bon prétexte pour relancer la guerre, et ça se produira en 1368-1369. Oui, et juste pour jouer l'avocat du diable aussi, je me demande si les négociateurs français du début du XVe siècle n'avaient pas raison, et qu'en fait, le roi Édouard III et d'autres rois d'Angleterre aussi ne voulaient absolument pas la paix, sauf s'ils sont en train de perdre. Ils ont toujours une logique de chef de guerre, de chevalier, où tu vas à la guerre pour avoir plus de terres, pour jouer, et le seul moment où tu offres la paix, c'est quand tu es en train de perdre. Et justement, c'est vrai que la réputation de Richard II, c'est d'être un roi qui voulait la paix. Pour moi, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a une situation politique qui l'empêche de mener la guerre dans les années 80 du 14e siècle et qui l'oblige à faire comme s'il voulait la paix, mais finit avec les trêves. Et je pense que si Richard II n'avait pas été renversé en 1399, il allait aller dans le même sens qu'Henri V, il aurait relancé la guerre. Surtout comment Charles VI tombe malade, etc. Donc je pense qu'en effet, les négociateurs français ont peut-être raison qu'en fait, il s'agit de rois qui, ça marche bien d'avoir une guerre qui n'est pas chez vous. C'est pas comme la guerre contre les Écossais qui menace plus directement les terres en Angleterre. Et ça unit l'énergie de la noblesse anglaise pour aller faire la guerre. ailleurs, en France. Ailleurs, là-bas, détruire les champs des paysans français. Et puis, c'est vrai que ça apporte du prestige. Hein. Dès qu'il y a victoire, bien sûr, dès qu'il y a défaite, Christopher Fletcher, c'est ce moment-là où on commence à demander la paix. Puis, moi, je retiens ce que vous avez dit. Édouard III, c'est aussi un roi qui règne longtemps. Donc, il a le temps d'imposer son pouvoir. En France, c'est vrai qu'il y a, sur cette même période, au moins deux rois importants. Donc, il y a le Philippe VI et puis Jean II le Bon. Mais ce temps long du règne d'Édouard III permet en fait d'imposer cette idée-là que le roi d'Angleterre peut revendiquer la couronne de France. Lui, il l'intègre en tant qu'individu, mais il arrive à l'imposer à toute sa noblesse et peut-être même plus largement jusqu'au Parlement. Une fois qu'on a commencé à la revendiquer, ça devient très difficile d'y renoncer. Et les rois d'Angleterre, en fait, n'y renonceront jamais. Alors, si, heureusement, ils y ont renoncé tout de même, parce que sinon on aurait un problème quand Charles III viendra en France. En 1802, il n'y avait plus de roi en France. En 1802, au traité d'Amiens, les rois d'Angleterre renoncent officiellement au titre de roi de France qu'ils avaient conservé jusque-là. Parce que renoncer à un titre, c'est une perte d'honneur qui est quand même très très difficile à accepter. Ouais. Il faut attendre 1802, Napoléon Bonaparte, le traité d'Amiens, etc. pour que les rois d'Angleterre cessent de se revendiquer aussi roi de France. C'était dans leur titulature Oui, tout à fait, mais c'est dans les armes. C'est dans les armes, mais oui. C'est toujours dans le blason jusqu'à 1802. Et il y avait les fleurs de lys, c'est ça, jusqu'en 1802. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ils les ont mis de côté. Et donc, mais par contre, vous avez dit aussi qu'Edward III, il a vécu longtemps, donc il a pu s'imposer l'idée que voilà, le roi d'Angleterre, il a le droit d'être roi de France. Mais même sans vivre longtemps, des fois, il y a des problèmes aussi. Donc, on a parlé du traité de Bretigny qui n'est jamais mis complètement en place. Et aussi, Édouard III, oui, il est vieux. Il a 60 ans, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Édouard Ier, il est toujours en train de faire la guerre à cet âge-là. Mais la situation politique mute. Et après la mort, de Jean II de France, on a un autre roi qui est beaucoup plus rusé peut-être, plus habile au niveau politique aussi, qui est Charles V, et qui réussit avec la concurrence de Bertrand de Guesclin de faire des petites campagnes ici et là, qui ressemblent plus, qui sont compliquées à expliquer. Hein, il se fait des énormes bouquins, le livre de Jonathan Sumption sur la guerre de 100 ans. Il essaie toutes les petites combats ici et là. Et petit à petit, il grignote. Et quand la guerre recommence en 1369, quand Charles V recommence la guerre, voilà, c'est une guerre de pédants pour les Anglais. Et ça continue à l'être jusqu'aux campagnes de Henri V au XVe siècle. Et puis après arrive Jeanne d'Arc, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Il y a eu avec Charles V une modernisation de l'instrument militaire français. L'explication des grandes défaites du roi de France, c'est que l'armée anglaise était beaucoup plus efficace parce que c'était déjà très largement un système de recrutement militaire par contrat, alors que le roi de France vivait toujours sur ce qu'on peut appeler, le terme est un peu anachronique, l'armée de conscription, qui était une armée très nombreuse, mais pas véritablement efficace, alors que Charles V met en place l'armée contractuelle de petits effectifs, mais des gens recrutés par contrat qui sont des gens efficaces. Et donc, à ce moment-là, l'instrument militaire français est au même niveau que l'instrument militaire anglais. Et la technique, la stratégie de la chevauchée ne marche plus après la reprise de la guerre en 1368-1369. Juste une dernière remarque aussi, très concrètement aussi, c'est un système sur Charles V qui est financé. Parce que la paix à Poitiers pousse le royaume de France à dire « Ouais, ok, bon, il faut quand même payer pour nous défendre. » Donc, même dans une situation de paix, j'ai mis des guillemets là, dans une situation de paix, mais en fait, il y a des brigands qui sont partout, il faut se défendre. Et le peuple du roi de France, les villes du roi de France, la noblesse dit « Ouais, en effet, quand même, on va payer pour ça. » Et donc, on commence à mettre un système financier qui permet de financer la guerre de défense dans une manière qui existait déjà en Angleterre, parce qu'ils avaient des problèmes au XIIIe siècle. Et c'est ça qui permet aussi, avec la réforme militaire, qui permet à Charles V de reprendre la main dans cette période de cette guerre.